Exercice 1, page 19. A. Claude est grand. B. Camille est blond. C. Sofiane est roux. D. Andrea est grosse. E. Lou est charmant. F. Stéphane est petite.